إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد طيب ما هو النهي؟ قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة بصيغة مخصوصة وهي هي المضارع مقرون المقرون بلا النهي. نعم طيب كامبليك النهي l'interdiction اصلا mais on a vu que ça pouvait être aussi une macro une sens macro ou dans le sens irshad نعم طيب ما من المكلف البالغ والعاقل ما هي موانع التكليف les choses qui empêchent le taklif الجهل والنسيان والإكراه نعم et par rapport au jahl par contre c'est pour le jahl de celui qui n'a pas pu avoir les moyens d'apprendre alors celui qui avait apporté de lui les moyens d'apprendre qui s'est détourné s'il tombe dans une erreur par le jahl lui il sera pris pour son jahl ne sera pas une excuse pour lui on a expliqué ça déjà auparavant le jahl c'est pas là c'est des bases tu vois il y a des choses toujours après il y a des temps faciles et tout là comme on a dit on prend les usul l'asl fil umur. طيب الان ندخل في العام دونك لا من هنا لي شوز كنا ابري دون لو ديبي دو ليفر سي دي عباره عن مستلزمات اي لا اون رونت فريمون دون دي شوز كي كونسيرن فريمون سو باب سو فن يعني سي كوم سي اون ديزيت كون ابري اوبارافون سي ان بو كوم دي اكسسوار اي لا تو ابروند فريمون يعني لي موتور ان سوا. Donc il se peut que ça se complique un petit peu plus. Et comment dire, après, Nasta'in Billah. Ou Lazima Yufam Al-An, Fala Alaous Yufam Fima Bard. On fait comme on peut. Taïm. Al-An a trouvé Fibab Al-Am. Al-Am, c'est-à-dire ce qu'on appellerait général. Quand elle est arrivée, Fouhou. Et Shamil. Donc là, ce sera par rapport au kalem, kalem qui est am, après le kalem qui est khas, après le mutlok, le muqayyid, le zahir, ou le mu'awwal, ou le mujmal, tout ça, ça va arriver, savoir comprendre le sens des paroles pour savoir comment agir. Qala, wastilahan al-lafz al-mustaghliq li jami' afradihi bila hasr, mithl inna al-abrar la fi na'im. Donc, istilahan, c'est le terme qui englobe tous ses composants sans limite. Comme dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit, certes, les pieux sont dans les bienfaits. Donc là, al-abrar, les pieux, ça veut dire, c'est un lof qui est am, c'est-à-dire tous les pieux. Quand on dit les composants, les éléments, le terme âme que tu vas employer sera là pour décrire une catégorie de personnes ou de choses. D'accord ? Toutes ces choses-là sont prises dans le jugement du âme. Par exemple, tu dis, ça va arriver, tu dis, Mesalène, Ar-Rijal Kada. Les hommes sont comme ça. Et bien là, quand c'est un kalam âme, c'est-à-dire tous les hommes. Quand même tous les hommes. C'est ça quand on dit. Jamia al-Afrod. Tous les composants, les éléments. Fakharaja bikolina al-mustahlif li jamia al-Afrodihi ma la yatanawalu illa wahidan kal-alam wa nakira fi siyak al-ithbat kakouli Allah ta'ala fatahrir raqabah liyannaha la tunawil la tatanawal jamia al-Afrod ala wajil shumul wa innama tatanawal wahidan ghayl mu'ayyan. Donc là il a dit par notre parole, quand on dit le mustarlaq, le jami' al-afrad, celui qui englobe tous les composants, les éléments, cela explique quoi? Ce qui concerne un seul élément. Comme par exemple, le nom propre. Un nom propre, ça vise quoi? Une seule chose. Ou un nom indéfini dans une phrase affirmative. À l'exemple de la parole d'Allah dans ce qu'il dit, la libération d'un esclave. Libération d'un esclave. Donc là, quand on dit libération d'un esclave, c'est un seul. Et non pas tous. Et là, tu verras bien, regarde dans l'exemple, Fatahrir Rokaba. Là, on a quoi? En fait, c'est un ordre. Il est venu sous quelle forme, l'ordre? Masdar. Là, il parle pour celui qui aura tué un musulman. Khata'an. Donc là, ces choses-là citées, lorsqu'elles sont employées, elles ne concernent qu'un élément. Pas tous, contrairement au âme qui lui englobe tous les éléments. وخرج بكلنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسم العدد مئة وألف ونحوهما. Et exclut par notre parole sans limite ce qui englobe tous ces éléments, mais défini par un nombre précis, comme le fait de dire 100 ou 1000 ou autre chose. Par exemple, tu viens avec un terme âme, mais il est précédé par un nombre. Ça veut dire quoi? Que cette généralité englobe que ce nombre-là, pas plus. Enfin, même pas plus. Donc là, quand il dit bila hasr, ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre. C'est tous les éléments concernés par ce terme qui rentrent dedans. Dans le verset, on l'a dit au début, inel abarar la fi na'im. Est-ce que ça veut dire que c'est 10? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 100? C'est tous les abarar. Taïb. Qala siyar al-umum. Les formulations de généralité. Yassaba. Ce sont 2-7. Ma dalla ala al-umum bi maddatihi. Mithl kul wa jami' wa kafa wa qatibah wa amma ka kulillahi ta'ala. Inna kulla shayin khalaqanahu bi qadar. Donc maintenant, les termes qui amènent une généralité sont les termes qui eux-mêmes sont un sens de généralité. Comme par exemple, les termes comme tout. Mithl kul, quand tu dis kul, c'est tout. Jamia, c'est aussi pareil, tous. Tous les termes employés en arabe, en français, se traduisent par tous. Donc on ne peut pas tous les traduire. Quand tu dis jamia anna, c'est-à-dire tous les hommes. Quand tu dis kul anna, c'est tous les hommes. Donc ces termes-là sont les termes de umum, en eux-mêmes. Allah, dans le sens où il dit, et certes, nous avons tout créé, bikadar. Et on a tout créé, toute chose. D'accord? Toute chose. Kulla shay'in. Et bien sûr, c'est tout ce qui est créé. C'est le Coran, mais il y a tout ce qui est créé. Mais nous, c'est pas là. Yani, khalaqna kulla shay', mimma huwa makhluq. Toutes les créatures, c'est Allah qui les a créées. Sans exception. Tous. Donc ça, c'est le premier. Deuxième, asma al-shart. Les noms de conditions. Kakullahi ta'ala, man amila salihan fali nafsi. Quiconque agit en bien, alors pour lui-même. Donc là, attention, ça c'est des choses, c'est en arabe qu'on les voit. En français, tu ne vas pas trop les voir. Car asma al-shart et asma al-mawsoula, ils se ressemblent en français. Celui, quiconque, qui fait, akaza, c'est les mêmes. On expliquait que cette sens-là, à la base, ça s'applique en arabe, pas en français. Donc là, man amila salihan, le man ici, c'est un ism al-shart. فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Et où que vous vous tournez, alors se trouvera le visage d'Allah. Donc là, le ism al-shart, c'est فَأَيْنَمَا. Où que vous vous tourniez. Donc l'asma al-shart, tufidu l'umum. Asma al-istifham, les prénoms interrogatifs. كَقُلِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَيْنْ مَعِينَ. Qui donc vous vient avec l'eau de source. Donc là, le shahir, c'est faman. Et là, c'est, attention, c'est pas le man du short. Là, c'est man istifham. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ou, qala azza wa jal, ma'adha ajabtum al-mursaleen. Qu'avez-vous répondu aux envoyés? Wa qala azza wa jal, fa'ayna tadhhabun. où donc est-ce que vous allez? Là, ça englobe tous les lieux. Où est-ce que vous allez? C'est pas défini. Donc c'est un terme qui est âme. Quatrièmement, Asma al-Mawsoul, Ism al-Mawsoul. Kakullahi ta'ala, Walladhi ja'a bil-sidq wa saddaqa bihi, Ulaika humul muttaqun. Celui qui avec la vérité qu'il aura cru, ceux-là sont les pieux. Donc là, ça veut dire que toute personne qui est avec le sidq et qui l'aura cru, la bonne parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les muttaqun. Ça englobe tout le monde qui rentre dans ce wasf. قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Ceux qui ont combattu en nous, c'est-à-dire notre sentier, nous les guiderons sur le sentier. Donc là, ça veut dire quiconque qui aura combattu sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala rentre dans ce jugement-là. إن في ذلك العبرة لمن يخشى. Il y a certainement cela une expérience, une leçon pour qui donc ou pour qui craindrait, on dira. Donc là, le shahid, c'est l'iman. Man, c'est aussi un ism mawsoul. Man, c'est aussi un ism mawsoul. Ça peut être mawsoul, ça peut être istifham, ça peut être shart. Dans le kutub de Nahou, c'est plus que sans, il y a plus de détails là-dessus. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Et à Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Là, le ism mawsoul, c'est ma. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est dans les cieux dans la terre, ça appartient à Allah. Tous. Car « main », c'est un « lof » qui est « âme ». Cinquième sirat de « umum »« un nakira fissiak un nafi »« ou un nahi »« ou un short »« ou le stifham »« un inkari » C'est-à-dire un mot indéfini dans une phrase négative ou d'interdiction ou de condition ou d'interrogation à sens de réprimande. كقول الله تعالى وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله. Donc là, il n'y a aucune divinité hormis Allah. C'est-à-dire aucune divinité digne d'être adorée, bien évidemment. Le ou shahid, ma là c'est nafia pour dire qu'il n'y a pas. Et le nakira le ou ilahin, c'est-à-dire aucune divinité. Si ce n'est Allah. Donc là, c'est un terme qui est âme. Il n'y a aucune divinité. Donc Allah Azza wa Jal, ça c'est l'exemple de quoi? Nakira fi siyak al-nafi. Après, l'exemple du Nakira fi siyak al-nahi. Wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Et adorer Allah et ne lui associer rien du tout. La tushriku bihi shay'a. Là, on a un nahi, ça. Après, on a quoi? Un Nakira, shay'a. C'est-à-dire qu'on ne doit rien associer. C'est un terme qui est âme. Après, un akira dans Asiyak et Short, In tu budu shay'an ou turfuhu, fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima. Et si vous cachez, ou plutôt, si vous faites apparaître quoi que ce soit ou que vous le cachez, certes Allah est savant de toutes choses. Donc là, In tu budu shay'an. In là, c'est harf Short. Si vous faites apparaître quoi que ce soit, on a Shay'a après. Shay'a, c'est Nakira. C'est-à-dire quoi que ce soit, que tu fasses apparaître, que tu le caches, Allah il le connaît. Donc c'est un terme qui est âme. Tout ce que tu caches ou que tu fais apparaître, Allah il le connaît. Et après, Stephen Nkari, Man ilahun ghayrullah ya'tikum bidiya afala tasma'un. Il dit, et quelle donc divinité en dehors d'Allah vous apporte la lumière? N'entendez-vous donc pas? Donc là, c'est quoi? On a une question, istifham inkari. C'est pas une question, Allah, il veut une réponse. C'est pour te réprimander. Est-ce que tu as une autre divinité que Allah qui t'apporte de la lumière? T'en as pas. Donc là, c'est quoi? Man. Ilahun. Man, là, c'est istifham. Après, il y a quoi qui vient? Un ism nakira. Ilahun. Quelle donc divinité en dehors d'Allah vous apporte la lumière? Est-ce qu'il y en a une? Il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout. Ça a dit ça. Selon la prise dans Qawaid al-Fiqhiyya. Al-Mu'arraf bil-Idafa mufradan kana ou majmoua. Une chose qui a été rendue, définie par un par une Idafa. C'est-à-dire, c'est un Mudaf. Pour ceux qui connaissent les règles du Mudaf de Mudaf ilayhi. Qu'a qu'il dit Ta'ala, واذكروا نعمة الله عليكم. Et souvenez-vous donc du bienfait d'Allah sur vous. C'est quoi le shahid? Ni'ma. Là, c'est un mudaf. Il est mudaf à quoi? Lafz jalala, Allah. Qui est ma'rifa? C'est un nom qui est défini. Donc ça veut dire toute ni'ma. Tu te rappelles, on avait pris ça dans... Kafikulla azawajal. Wamma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et quant au bienfait de ton Seigneur, alors proclame-les. C'est venu avec un terme qui est singulier, mais ça englobe tous les bienfaits. Vous voyez, ça englobe tous les bienfaits. Et là, il a dit ni'ma. Là, c'est venu au terme singulier. Et après, dans notre verset, il dit quoi? Faskuru ala Allahi. Et rappelez-vous des bienfaits d'Allah. Là, il est venu au pluriel. C'est le même sens. Que ce soit singulier ou pluriel, un mudaf, lorsqu'il est apparenté, un mudaf ilayhi qui est ma'rifa, qui est défini, ça veut dire que ça concerne toute la chose englobée par ce terme. Après, il dit sabi'an, septième chose qui amène à un tarmim, un umum. El mu'arraf bi el istighraqiyya mufradan kana ou majmou'an. Le terme, le mot défini par el istighraqiyya est celle qui absorbe tous les éléments du nom dans lequel elle rentre. Mathalan, yakul Allah azza wa jal, wa khuliqa al-insan da'ifa. L'homme a été créé faible. On a al-insan, c'est jamia al-insan. Tous les hommes ont été créés da'ifan. Et comment tu la reconnais parce que elle, t'en as trois des elle. T'as elle istirlaqiyya, c'est celle-là. T'as elle les jins. Elle qui elle, il va en parler le shir. Qui elle concerne la nature de la chose, le genre de la chose. Pas les éléments de la chose, mais le genre de la chose. Et t'as la troisième, c'est elle, la ardiya, qui elle concerne une chose particulière, un point particulier. Là, comment tu le reconnais? Istirlaqiyya, c'est celle où derrière, avant, tu peux mettre kul. Maintenant, tu aurais pu dire khuliqa kullu al-insani da'ifa. Si kul rentre dans ce el, c'est que ça c'est el istirlaqiyya. Et parmi ces signes, également, qui est dedans, tu peux mettre par la suite il, faire un istisna, une exception. Kafikulla azza wa jal, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Al-ayah. Par le temps, certes, l'homme couvre la perdition. C'est quel homme là? Tous les hommes. Innal insana, ce qu'on aurait pu dire, inna kulla l'insan. La fi khusr. D'accord? Là, c'est le el istirlaqiyya. Tous les hommes. C'est am. Après, on est venu quoi? Illa alladhina, sauf ceux qui ont cru et bien agi, l'akhil ayah. Donc, si tu vois illa qui vient après un ism qui a el dedans, c'est que le el, c'est un quoi? Istirlaqiyya. Ou si tu vois un kul qui vient devant ce el, c'est que c'est el istirlaqiyya. Donc, ce el istirlaqiyya, c'est un love de umum. C'est un love de umum. Elle englobe tous les éléments pris dans le genre dans lequel elle est rentrée. Et ça, également, ça s'étudie dans le nahu. C'est un peu dur pour ceux qui n'ont pas étudié le nahu, mais bon, à kada. Il dit Amma al-mu'arraf bi al-hardiya. Ça, c'est l'un des elles qui s'est cité. Celui-là, c'est mieux. Vous me laissez celui-là, car ça peut prendre du temps à expliquer. Et ça sortira un peu de ce qu'on voulait en parler. Quant au L du jeans, c'est elle, ce L-là, elle englobe le genre. Par exemple, l'exemple qu'il donne, il dit Ar-rajul khayr min al-mar'a. L'homme est meilleur que la femme. C'est quoi qu'il veut dire par là? Le genre masculin est meilleur que le genre féminin. Et non, là, c'est pas istirlaqiyya. C'est pas tous les hommes sont meilleurs que toutes les femmes. Il y a des hommes qui sont moins meilleurs que certaines femmes. C'est tous les hommes de notre époque sont moins meilleurs que toutes les sahabiyats. On va les aller. Donc là, c'est pas istirlaqiyya, là, c'est jinsiyya. Elle englobe un genre. Mais ce genre ne veut pas concerner tous les éléments de ce genre. C'est le genre de façon générale. Tu as compris la différence? Donc on dit maintenant الرجال خير كل الرجال خير من النساء. Là, ça aurait été quoi comme elle le premier en avait ici. C'est-à-dire que tous les hommes sont meilleurs que toutes les femmes. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais le genre masculin est meilleur que le genre féminin. Adjilat dans le Coran, ils sont présents par rapport à ça. Donc on reprend. Les sept choses par lesquelles on a un tarmim, un roumoum. Les termes qui en eux-mêmes prouvent la généralité, comme kul, jamir, kafa, kantiba, amma. On traduirait par tous, totalement, par exemple. Deuxième, on a dit quoi? Les noms de conditions. Asma short. Troisième, asma al-stifham. Les noms interrogatifs. Quatrième, asma al-mawsoula. Ça y est, je ne sais pas comment ça se traduit ce temps-là. Comme il alladhi, allati, alladhi, alladhina, alladhani, wama, waman. Il y en a plusieurs. Khamisan, al-nakira, fissiyak, al-nafi, ou al-nahi, ou al-shart, ou al-stifham, al-inkari. Un nom indéfini dans une phrase négative ou d'interdiction ou de condition d'interrogation en guise de réprimande. Après, on a dit al-mu'arraf bil-idafa mufradan kana ou majmoua. Le nom qui a été rendu défini car il est un mudaf. C'est-à-dire qu'il est mudaf à un nom qui est ma'rifa. Qu'il soit singulier ou pluriel. C'est pareil, il englobe tous les termes concernés par ce sens. Comme on a dit, ni'amatullah, ça veut dire toutes les ni'am d'Allah. Toutes, c'est pas une seule. Et on a dit, al-mu'arraf bi al-istighraqiyya mufradan kana ou majmoua. Et le mu'arraf, qui est lui, qui est défini par le al-istighraqiyya, ce qui englobe tout, également, tous les éléments du terme dans lequel, auquel elle est affiliée. Et ça, pareil, c'est en langue arabe, ça apparaît. En français, on peut pas le faire. Nous, elle, on traduit par le, ou la, ou les, mais en français, ça apparaît pas. Après, il parle de. Il y a un tafsil dans elle et la hardiyem, on ne le prend pas. Parce qu'il faudra parler un peu plus. Et ça, il faut avoir des connaissances en langue arabe. Plus, même toi, on a des choses qu'on n'a pas encore prises, tu vois. On a dit ça, c'est un takrib. Donc, le passage là, on le passe. Maintenant, il dit El amel bil am. Comment on agit avec un. Le umum, avec une généralité. Comment on agit? Il agit bil amel bil umum el love el am hatta yathbut takhsisuh. Qu'on est obligé d'appliquer cette généralité jusqu'à ce qu'on trouve une spécificité, une chose qui vient pour spécifier cette généralité. Car on est obligé d'appliquer les textes du Kitab de la Sunna dans leur apparent, comme le prouve les preuves. Vous voyez, tant qu'on n'a pas une autre preuve qui démontre le contraire, tu restes sur la base. Et il dit وَإِذَا وَرِدَ الْعَامُ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍ وَجَبَ الْعَمَلُ بِعُمُومِهِ لِأَنَّ الْعِبَارَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ إلا أن يدل دليل على التخصيص العام بما يشتبه حال السبب الذي ولد من أجله فيختص بما يشبهها. Donc maintenant, si un عام a été employé pour une cause خاص précise, on l'applique quand même sur un sens de général. C'est-à-dire, des fois, tu as des choses générales, elles viennent, mais elles viennent pour une cause particulière. Nous, on ne regarde pas la cause particulière. On reste sur le terme général. Vous voyez, il va expliquer ça avec l'exemple. Ça va être plus clair. Comme cela est venu dans Sourate Al-Mujadala, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina yuzahiruna min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Ceux qui disent que leurs femmes leur sont interdites comme le dos de leur mère. Ils ont commis un grand péché, car ces femmes-là, vos femmes ne sont pas vos mères. Là, il a dit quoi? Allazina yuzahiruna. Allazina, c'est quoi? Smosul. Donc, c'est un quoi? Un terme général. Ce verset est descendu tout particulièrement pour qui? Pour Aus ibn Samit. Pour une personne. Cependant, est-ce qu'on va dire que c'est juste pour lui ce jugement-là? Non. C'est pour tout le monde après. Quand même, c'est un terme général qui est descendu en une occasion particulière. Nous, on ne regarde pas l'occasion particulière, on regarde le hukm général. Quand même, comme cette histoire de cet homme qui avait embrassé une femme, El Nabi Sallam lui a dit, il lui a dit, il a dit, Il a dit certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Il a dit est-ce que c'est pour moi? Il a dit belle kulli ummati. Il a dit c'est pour moi ce verset, il a dit c'est pour toute ma communauté. Alors que le verset est descendu pour qui? Pour lui. D'où la règle an al ibara bi umum al lafz wa la bi khusus al sabab. Qu'est-ce qu'il y a? Que nous on tient compte de la généralité des termes et non pas de la cause de la descente. Que ce soit pour les ayat ou les hadith. On ne regarde pas la cause en soi, forcément. On regarde le terme. S'il est général, cette généralité-là, on l'applique. Tant qu'on n'a pas un tarsis, une chose qui la spécifie. On reste sur la généralité. Comme dans ce verset-là, ou dans plein d'exemples qu'il y a dans le Coran, dans la Sunna. Mais ce qu'on a la base, c'est qu'on applique le umum. Maintenant, il va donner un exemple d'un terme général qui a été spécifié. Qul sallallahu alayhi wa sallam. Laysa min al-birr as-siyam fi as-safar. Qui ne fait pas partie de la piété que de jeûner en voyage. Là, on a quoi? On a as-siyam. On a quoi dedans? El. On a quoi après? Fi as-safar. On a quoi dans safar? El. Voyage. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas à jeûner en voyage. Vous voyez, comment c'est arrivé quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'avait vu des gens regroupés et un homme qui était allongé. Ils ont dit qu'est-ce qui lui arrive? Il a dit il a jeûné. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit ce n'est pas, ça fait partie de la piété que de jeûner en voyage. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été connu pour avoir jeûné en voyage. Donc maintenant, ce jugement-là a été khos pour quelqu'un, pour les gens qui ne tiennent pas sa sixième en voyage. Il y a une machaque pour eux. Ce hadith-là n'est que pour eux. Celui qui est fort, il y a tahammal, il peut jeûner en voyage, comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres sahabas l'ont fait également. D'accord? Donc là, c'est un terme général, mais qui était voulu par la quoi? Un tarsis. Un terme général qui a été mis pour une chose particulière. Et nous, on agit en fonction de cela. Qu'on a droit de jeûner en voyage, sauf si on éprouve de la difficulté et on pourrait en avoir des représailles. Donc le âme, à la base, on reste dessus. Tant qu'on n'a pas une chose qui spécifie. T'as des ulama qui disent non, on n'agit pas, on cherche un tarsis. D'abord. Les ulama disent non, tu cherches le tarsis avant d'appliquer un âme, parce que de toute façon tu vas faire une erreur. On dit non, là-bas c'est que toi tu agis sur un tamim. Comme l'a fait qui? Ammar ibn Yasir. Lorsqu'il a fait le tayammum, dans le hadith Mutafakuna alayhi, il était parti en voyage, Ashnab, il est tombé junoub, il est devenu junoub, il n'avait pas d'eau. C'était l'heure de la salat. Comment il a fait le tayammum? Il s'est roulé par terre. Il ne connaissait pas comment on fait le tayammum. Mais il savait que c'était quoi? La terre sur toi. Donc il a fait quoi? Il s'est roulé par terre. Après, il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le dit Kana yakfika antafalakada ou takub akada biyadek. Il a frappé la terre avec ses mains et après il s'est essuyé les mains et le visage. Est-ce qu'il lui a dit refais ton tayammum? Non. Ce qu'il a fait Ammar, en mesure de sa science, c'était correct. Quand même, après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a appris comment faire vraiment le tayammum. Lui, Ammar, il a appris quoi? Le tamim. Du tayammum. Que pour lui, le tayammum, c'est quoi? Se frotter de la terre. Il l'a fait. Mais quand il ne savait pas c'était où, comment, tout son corps, il l'a frotté par terre. Donc le tayammum, il a été fait. Mais il n'a pas été fait comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas encore. Après, il lui a appris comment faire. Donc il agit avec quoi? Avec un tarmim. Au début. Dans la sunna des exemples, on a plein des comme ça. Donc ce qui démontre qu'à la base, un tarmim, tu agis avec. Maintenant, demain, tu as un chèque. Aujourd'hui, à notre époque, on a du jahil. Pourquoi? On a une chose qui est générale, on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? On demande. Est-ce que ce jugement général s'applique même pour moi? Tu demandes. Tu sais pas, tu as un doute, tu as un chèque, tu demandes aux gens de sens. Quand même? Ah, va. Donc ça, c'est le qu'on a pris aujourd'hui, le même qu'on a pris aujourd'hui, qui est Al-Am. On a pris les termes du Am. Elle est en facile encore à prendre, mais ça, c'est les bases, Inch'Allah Ta'ala. Fa'ilahuna, wa alhamdulillah rabbil alamin.